performance XL, rime criminel, flow exceptionnel. J'excelle sur l'instrumental et je laisse des séquelles. À percer, je suis déterminé. Dans mes rimes, je vais t'en défaire. Tu te demandes comment je fais, chez moi c'est inné. Boomba et bah, un gros mané à wax débarque. Avec ses boîtes, il boit pour ouvrir le vrai débat. Première écoute, tu me sers de cobaye. Je vois que tu débats, nouveau débit, tu débandes debout, c'est de la bombe. Aïe. Lox et Bob sur la tête, plafond qui sert, j'aime. Pour qui les gosses disent quand ils me servent, j'aime. Cochise, serre les quotas. Je viens de Côte d'Ivoire, cocodile. Sous les cocos, y'a des crocodiles. Je suis le gros brodile. C'est l'homme qui a peur, sinon y'a rien. C'est moi, il voit rien. J'te moyen, j'déploie bien pour toi, chien. Vois, tiens, j'déchire, on dirait un tutsi. Prends dose, basse comme Bouti. Basse sur Kabas ou Bose si tu oses. On est là, ligne 7, méridivé. Terminus, guette ma sortie. D'ici 6-7 minutes, à porte du choisi pour mettre un terminus. Jesus, c'est Aspic, M13, represent. Appelle-moi Poséidon. En mer ou sur terre, j'possède Sidon. Incident, qu'en cas d'incident, j'casse tes 26 dents. Plus besoin de Fridan, c'est G-Wall Dingo. Reste prudent, M13, bingo, un Chris Trident. Chinatown Gang, 1-3, j'ai besoin de mafia. Le Gondra, sans son flingue, bang, boom. Y'a la dalle sur ma droite, mes carnales. C'est un gars qui bat les cifres, je m'installe sur le mic, je vais t'étale. Lâche ton cœur, MC, non, tu n'es pas caviar. Sur tes cœurs, même si je roule pas en Cadillac. Du 13 à Macao, M13, t'es mec à haut. C'est le jour J, aujourd'hui, tu te réjouis. Ah oui. C'est Don Gio.